heaven, now I'm laying it at your feet. Ooh, you say I'm in love when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. You say I'm held when I am falling short, when I don't belong. Oh, yeah. La première. La République, c'est une apprise après l'interprétation de 55 ans à Moselle. Il est toujours en garde à vue ce soir. Ça fait aussi de plus de ses tortures et depuis comme des gens et l'enquête cherche à mettre à preuve des faits des différentes allégations, souligne le procureur. D'engager une solution évidente pour l'organisation qui peut l'intégrer après des propositions lors d'un rassemblement. N'a pas place dans notre pays, et le ministre sur X, le nom de Twitter, qui annonce également la saisie de la République. Si je vous ai payé de la SDA, à tous les réunions de nouveau, dit Abuja, la capitale du Nigeria, a donné l'ordinaire de Niger. Il n'y a pas de mouvement de pour aujourd'hui, demain, l'expiration de l'ultimatum de ce pays où il s'est prévu, il est pour retour à l'ordre constitutionnel pour le coup d'État sous une ville de la France. Les députés ouvrent un film de grande tension pour le SAMU. Complètement sous-entendu et depuis deux semaines, jusqu'au 1er septembre, les patients d'abord, les électeurs vont se rendre aux urgences. Résultat, le service installé à l'hôpital de Rochelle roule tout d'appel. Trop pour la et tout qui doit disparaître. avec Armel, directrice adjointe de la rédaction de l'Étoile. Le bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Christophe, chef du site. Marianne Cornet. Sophie, bonsoir. Effectivement, contraire à pas mal de protections, Surtout les salariés. Parce que les auditeurs. La entre le chef et sa poche est le plus important de notre. Destruction en termes de liquidité pour évidemment. peut être des centaines de personnes ou le foncier peut être coupé. Oui, vous avez raison, c'est très contradictoire. Effectivement, pour les entreprises ont constaté que les taux sont trop élevés et que c'est pour lutter contre la masse. Ensuite, il y a une chose que je ne comprends pas, on ne peut pas parler de l'entreprise, on ne peut pas parler de l'homme. Ça n'a pas été rien pour les entreprises effectivement extrêmement profitables. Grandes entreprises des PME, il n'y a pas de problème que le gouvernement ne peut rien faire par rapport. Et encore une fois, tout ça, le prix de l'immobilier, l'inflation dans certains domaines, dans certains secteurs, est extrêmement difficile à gérer. Donc, je trouve qu'il faut avoir confiance aussi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas on est en train de raisonner sur l'entreprise. Alors, je vais vous parler tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'il va gérer. C'est parce qu'on peut faire le mot qui les choses. On s'est réveillé à la terre, on s'est dit, oh là là, les choses sont là, parce qu'il y a un peu de pouvoir. C'est un peu, ça va se donner contre nous. Pour le sujet, c'est immédiat. Donc, c'est une façon de réagir à cette crise. Tout à coup, le gouvernement, c'est pas que c'est une prime, c'est pas tout le monde a trouvé. Et actuellement, tout le monde est en train de vous taper sur les plateformes. C'est beaucoup mieux fort que les salaires et diminuer les prélèvements qui sont moins chers. Ça a l'air navigable. Tout de suite, l'intervention militaire, la CPAO, au départ, intervenir dans notre pays d'Afrique, qui est tout à fait probable possible, l'intervient. Après, le contexte est particulier. Météo, c'est ça, quasiment tout bleu. Le nord le sera plus partagé, mais les exercices sont prédominants. En revanche, le nord ouest du pays sera et de la Bretagne et la Normandie de pas franchement dans la discussion protection du PD en termes de valeurs actuelles font partie du réseau Twitter de X. Ils affirment toujours qu'il est possible que le JDD soit disponible et que ce dimanche se sont encore trompés. JDD a fait son appel pour y apprendre pour la fête sur Twitter qui est dans la majorité A ou FAC. Le parler de sa poste comme tour en termes de liberté de presse de pouvoir de l'actionnaire, le pluralisme, c'est un peu selon que ça renforce les autres méthodes. Et sur le simple, je pense que c'est pas un peu ce que vous avez vu, ce que vous avez dit. Merci à tous. Je équipe de journalistes d'avoir envoyé un représentant pour tester à ces propos du JT qui existe en tout cas on ne peut pas si c'est pour lui mais en tout cas on peut aussi que cette ligne éditoriale trouve une coopération et donc j'ai l'impression que c'est du gouvernement. Le propos à l'intérieur. Et j'ai envie de rester pas journaliste pour commenter cette erreur de une ou toutes des lecteurs qui en fait ne vont pas vous détruire le journal par le stress, je pense que le jeune parle un peu que cela ne sera pas très bon. Ça permet de créer un article pour d'autres, c'est une société you Et effectivement, Vincent, et on se souvient de la grève qui a eu aussi très dur, et on aboutit après la même chose, c'est une réflexion qui était très petite. Et Vincent Poulet a pris un peu d'intervention. Par rapport à ça, de jeunes qui sont dit la qualité des données. Sur partie étude, 5 de plus de les maximum sont Et à ce moment, merci et à tout à l'heure. Dites-moi. habite un petit peu à l'extérieur et elle parle comme ça, je trouve qu'il peut construire comme ça, je trouve un beau, il faut pas se mettre avec la victoire. Alors, on parle de l'anglais à sa femme, française, il faut se mettre sur une piste de l'anglais, avec des consacres, on peut dire, on sait, on a mon pote, et faire attention aussi, on va prendre le tour, il n'y a pas de concurrent qui un nouveau domaine, on dit que ça soutient, je pense que c'est Là, c'est des communautés. La situation populaire en mettant les délégation officielle des pays de Mali et Burkina Faso. Dans leur réaction, espère leur menace. Il a pris une pour les artistes, pour se réclamer du cinéma américain. Une femme avait porté autant par Jean Barbie, de la réaliste Greta Gerwig, a apporté du milliard de dollars de retraite dans le monde, continue de donner une petite visite entre ceux qui évoquent le peuple féministe et les autres. Alors, si le film féministe, il y a autant de réponses possibles à cette question que le féministe de nuance dans le pays, malicieusement. Le plus attendu de l'année, et pour lequel elle s'est précipitée le jour de la sortie, à tout moment, elle a donné même des gens revus pour être féministe face à cette réalisatrice. Alors, je dis, c'est simple, mais quand même, la chaîne YouTube pas de rapport qui pense cette espèce de personnage. Et malgré ce féminisme qu'elle trouve dans une jolie position, même le film élève une partie des anti-féministes. Oui, son carton d'antiquité qui trouve son mal à Hollywood, les femmes aussi sont capables de réussir. Annonce actuellement au cinéma en forage et où est-ce originaire de l'Allier, comptait jusqu'à 3 étoiles à la France, avant de commencer avec Christophe Roy, directeur de salle, les c'était connu. Donc, ça a été un peu la difficulté, déjà, de l'autre côté du marché, on désignait en salle. On n'avait pas un stop, donc on a vraiment 100%, donc les populaires, donc ça existait. Et pour nos ouvert, avec ce peu de production des produits du jour adoptés et déportés par de nombreux grands chefs formés à l'époque à l'entreprise. À travers de nombreux jeunes ont appris le respect des autres, ces produits. Pascal, si on pouvait les femmes à s'exprimer en cuisine, dire à Renaud le nouveau échappe en témoigne, et puis être à un cheval en sortant l'homme traque le produit d'excellence. La cuisine commence par le producteur, en assistance en France. De la manière des vaches, des savoir-faire dingues, au point de son par contre, on a des salaire le plus important possible. Comment vous abordez la politique? Justement, c'est pas un travail de chef cuisinier, c'est d'être à la tête de la recherche de ses producteurs et de ses produits. C'est ce qui m'a fait un peu de nombreuses années. C'est ce qui me permet de me faire de trouver la cuisine des producteurs et des cuisiniers. Voilà. Très souvent, c'est un travail de longue haleine qui est mis en place. Qui pourrait être par un étage, de variété de l'excuse, des éléments un peu plus gros, un peu plus près, toujours d'attache, le poisson, l'attache de région. C'est vraiment un échange, il faut que l'information soit très important. C'est un travail en direct avec beaucoup de. On voit la pommette que je pense, il y a une fille qui est importante. Pascal Barbeau, c'est une cuisine française qui est réellement touchée à l'époque de voyage, notamment. Voilà, cette utilité de chanterie, rare à trouver, celle de son appareil. Allez, vas-y. C'est pour ça que le pâté de la qui se produit, pas en parler, l'antithèse à la place d'un pensons être aussi vaste que l'organisation de l'extrême droite qui regroupe les politiques traditionnalistes intégristes. Le ministre de l'Intérieur condamne les propos qui ont été tenus hier lors d'un rassemblement en Ukraine. Une attaque de missiles russes fait plusieurs victimes dans l'est de l'Ukraine. 5 morts et 4 blessés pour une vingtaine de policiers. Les Russes ont touché le peuple présidentiel dans la ville de possible de faire au coup d'état au Niger et un peu de la diplomatie américaine. Et sur l'utilisation de force doit être un dernier recours pour le gouvernement de la CPAO, le comité économique des Africains, a appliqué la personne d'intervention armée. Si elle est putiste, ne rendait plus le pouvoir. Elle décroche un Oscar pour l'exorciste, un autre pour French Connection, le président américain William Martin est mort. 47 ans. Un mot de foot, le PSG ajoute un attaque considérant le plus gay de Ramos s'engage avec Paris en prêt jusqu'à la fin de la saison prochaine avec option d'achat. Puis la saison de Marmagne, le PSG peut donner 2-0 à sa peau en même temps. C'est la dernière rencontre de première journée du championnat de l'équipe. Des feux de compagnie de tendance. Même que l'an dernier, au niveau national, plus de 12 000 abandons entre guillemets. Et un joli baptiste où vous êtes rendu au plus respect de Rennes, où beaucoup de niveaux ont déjà été recueillis. Les chiffres dans le cas, les chiffres de la salle de panier, le refuge de l'État et des stations de publicité, les chiffres de la chiffre. On n'a pas tant de choses qui viendront de voir de la fois de l'achat. De la fois qu'on avait dit que pour les tuer, il y a eu un peu d'achat. Dans une centaine qui attend en fourrière en dépendant de la chasse, c'est catastrophiste. C'est plus grand catastrophe, mais la tête encore plus. Une tête de chien et au chat, et pourtant, dans les couloirs de l'espère pour cette année, on a pas mal de monde par rapport à l'année dernière. On a plus la différence des kilos de billets. D'habitude, en août, là, il y a beaucoup plus de monde. Je pense que c'est un peu plus important que les années précédentes aussi. Après, il ne faut pas oublier que c'est passé un peu important cette année. En vacances l'année prochaine. Bien, un peu une récite. Alors, ça a toujours leur ils ont bien entretenu. Avec des gens sur le pays devant la vie. Cette fois-ci, ils ont craqué pour faire des choses. Il a aussi tapé un peu à la tête de reportage de Baptiste. Inquiète pour sa part de ses chiffres, même s'il demeure dans le même métier que l'on termine. Passage à la sélection des chiffres. Les abandons de chasse sont plus importants que les chats. Alors, il faut bien différent. Peut-être que si on ne sait pas échapper les choses du livre de commune, je crois que je vais décrire certains compagnies, je le fais en expliquant pour les gens. Donc, je pense que c'est une autre façon que les gens ont déjà entendu. L'intérêt de cette note, c'est que, pour répondre au fond du paire, très compliqué. 70% de chances de réussite, selon le responsable de l'agence spatiale russe, qui a fait de l'agence spatiale européenne, les États-Unis coopèrent au projet russe au début de l'invasion en Ukraine. Bon, et c'est pour le 20 minutes de France, on va le voir entre les Américains, les Chinois et même les Indiens, la concurrence est russe pour accéder au prochain trait de la Lune. Les Russes ne veulent pas être en raid, même si le programme est maintenant mené en solitaire et avec un gros retard sur le calendrier initial, explique sur France Info Philippe Tarajot, le chef de but de l'espace. Il faut savoir que l'UNA 25 était prévu initialement pour être la mise en place pour cette mission. Ça a repoussé. Puis le contexte international est devenu celui-là, avec effectivement une collaboration avec le projet de faire, par exemple, de l'Ukraine. Et au final, d'ici à 2025. Le combat, c'est ce jeu sur la Lune, mais elle est plus entre la NASA et la Chine. Parce que, on parle de programme d'envoyer des humains sur la Lune pour s'y installer, pour faire une base ou faire une base en orbite lunaire. Sur ce plan-là, la concurrence se joue plutôt entre les États-Unis et la Chine. Même si ce n'est pas avoué complètement, la Russie, comme je vous disais, avait dans cette mission qui a traîné, qui a été repoussée parfois et qui finalement va finir pour les qui ne sont pas dans le peloton de test. Pourquoi ils ont le temps à envoyer leur engin, sachant plus en juillet dernier, le chef de Roscosmos qui s'appelle Yuri Borisov avait qualifié cette mission de risquée. Il faut pas des outsiders, mais tous les amendements entre la Chine et les États-Unis, il y a la Russie qui ne va pas non plus être trop à faire. Vous avez l'aide qui s'est positionnée qui a une autre mission de la Lune et proposée dessus une mission automatique, sans humain à bord. Alors, est-ce que cette mission est risquée pour la Russie? Je ne sais pas, peut-être du fait que le savoir-faire s'est un effet perdu depuis toutes ces années. Oui, il y a un risque puisqu'on redécouvre. On apprend souvent en faisant des erreurs ou en utilisant des choses qui sont automatiques, les risques. Philippe, la réponse peut dépoter là où vous trouvez en ce moment. Vous êtes à Cap-Cap-Cap aux États-Unis, c'est ça, justement parce que les États-Unis ont aussi une mission vers la Lune. Parce qu'ils ont une mission de programme, c'est le programme Artemis. Voilà. Je ne suis pas pour couvrir tout ce qui se passe autour de la prochaine mission, qui est Artemis 2, au cours de laquelle, qui doit être fin de 2024, peut-être début 2025, quatre humains seront envoyés pour la première fois autour de la Lune, contrôler la Lune, pour la première fois depuis 1972. Voilà, là, les choses se précisent, côté de la mission claire. Même partie, la suite, ça peut être compliqué. On va suivre ça de près. Alors, d'un point de vue scientifique, quel est l'intérêt selon vous pour la Russie d'envoyer cette prochaine 25 par rapport à ce qu'est en train de faire la NASA? Ça semble vraiment territoire. C'est justement un nouveau sur la Lune, une nouvelle donc, le pôle sud. Des années 70, la Lune a été explorée pour comprendre ce que se considère parmi les échantillons de la système solaire, comprendre l'histoire de la Terre et de la Lune et de toutes les planètes. Des premiers temps dans la Lune, c'était une vraie découverte. Depuis que Lune était passée scientifiquement, on va dire, c'est un nouveau regain d'intérêt parce qu'au pôle sud, comme au pôle nord, mais au pôle sud, c'est passé par terre. Il y a des critères qui sont toujours dans 150. Et dans ces critères-là, on utilise par définition, on utilise sur la Lune au cours de ces dernières années, qui est de la glace. Donc, cette place peut être intéressante pour les prochaines années. Pour la transformer en eau, pour s'en servir pour nous parler de l'eau, pour l'avoir. Elle est surtout intéressante scientifiquement. C'est pour ça que l'UNA 25, comme les autres sondes qui sont envoyées vers l'eau actuellement, va viser un point proche pour le sud, pour faire des analyses de l'intérieur. Et éventuellement, un savoir un peu plus sur cette place d'eau. Elle est intéressante parce qu'elle a été semblablement par des théories d'électromètres assez petit de 80 000 ans. Donc, c'est plongé vers les archives du système solaire, la terre de l'eau solaire. Et en chef de revue ciné, avec Solène Crétan sur France Info. C'est pour mon boulot. Je suis prêteur de vente. Je suis pétiteur. Je suis copiste dans l'automobile. Il faut que mes pétiteurs dans mes connus. J'utilise un œil, un dossier pour déterminer la cause de la mort. J'écoute la parole, on lui a raconté sa vie. Et les portes de France Info lors de la parole. D'été, plus tard, là, on prend un monde sur les infos. Au-delà de la crise, quelles sont les dépérées et de retrouver le tourisme au niveau international avec la rédaction internationale de Radio France dans une petite politique qui commence à s'engager un peu plus dans la transition écologique. 1h50 d'après le point complet sur l'actualité de son histoire. Un nouveau info signé. Et c'est un objectif très ambitieux. n'atteignons pas les 80% des Belges, visés par le production d'électricité. Il y a trois quarts de notre électricité vient de la construction. Bien sûr, l'Australie est un pays des énergies renouvelables sont de très immense. Il y a quelques mois, la vieille centrale électrique d'Australie a fermé. Est-ce que ça veut dire en tout cas que l'Australie n'ouvrira plus de mines de charbon? Alors, ce n'est pas sûr. C'est en débat, explique encore Michael Reed. Je pense qu'il est généralement admis qu'il n'y aura pas de nouvelles mines de charbon pour approvisionner les clients australiens parce que nous fermerons nos centrales électriques au charbon dans les 10 à 15 prochaines années, plus rapidement que ce qui est actuellement prévu en fait. Mais bien sûr, l'Australie est l'un des plus grands exportateurs de charbon au monde. Nous avons récemment ouvert une mine de charbon pour servir principalement les clients indiens. Je pense qu'il est donc trop tôt pour dire que l'Australie n'ouvrira jamais une autre mine de charbon pour l'exportation, mais beaucoup de gens espèrent que cela ne se produira pas. Lui est optimiste, il a de l'espoir, en partie pour une raison économique. Le charbon rapportera moins d'argent à l'avenir. Le ministère de l'Industrie australien a prédit une chute de moitié de la valeur de ses exportations de charbon thermique, c'est-à-dire le charbon qui permet de produire de l'électricité, dès 2024-2025. Il anticipe la baisse de commandes chinoises dans les années à venir. Julie Pietri, un monde d'avance, tous les soirs dans le 20h minuit de France Info. Et c'est l'heure d'Ils ont fait l'actu avec vous, Sandrine Etoa-Andegue. On revient sur l'année où Marie-Lise Léon est entrée dans la lumière et sous les feux des projecteurs. 21 juin 2023, Marie-Lise Léon prend la suite de Laurent Berger à la tête de la CFDT. Élue à l'unanimité par le Bureau national et acclamée par les militants au Zénith de Paris, l'ex numéro 2 s'était préparé depuis plus d'un an à cette transition. Après Nicole Notat, c'est la deuxième femme à occuper ce poste. Je suis très honorée, je suis très fière. Je sais que c'est une énorme responsabilité. Moi, je pense que j'ai beaucoup de chance de prendre la suite de Laurent parce que la maison, elle se porte très bien. Les travailleurs, ils nous attendent au tournant, ils comptent sur la CFDT. Donc, ça met, je dirais, du piment au mandat. Marie-Lise Léon incarne la continuité à la CFDT, syndicat de la négociation, du compromis. Mais elle veut aussi proposer un syndicalisme de transformation sociale, égalité homme-femme, transformation écologique. À 46 ans, elle prend la tête de la première organisation syndicale de France en nombre d'adhérents, 660 000, dont 48 000 de plus, à la faveur de la contestation contre la réforme des retraites. C'est d'ailleurs elle qui a représenté la CFDT à l'intérieur de l'intersyndicale. Sur la photo, elle n'était jamais loin de Laurent Berger, mais pas complètement dans la lumière. Aussi parce qu'elle sera sans cesse comparée à Sophie Binet, forte personnalité devenue numéro 1 de la CGT. La discrète Marie-Lise Léon va devoir définir son style, imprimer sa marque et se dévoiler un petit peu. Alors c'est sûr que passer après un leader qui est charismatique, on se pose la question du comment on reprend le flambeau. Je pense que la meilleure des choses, c'est d'être soi-même. Surtout pas essayer de faire comme ses prédécesseurs. Et puis de toujours avoir le souci de ce qu'est l'organisation, ce qu'elle attend d'un secrétaire général. Ce qui m'importe, moi, aujourd'hui, c'est de continuer d'avoir une CFDT cohérente, qui est bien dans ses baskets, qui assume son syndicalisme, qui reste elle-même. Vous êtes décrite comme discrète, voire secrète. Est-ce que vous êtes obligée d'en dévoiler un petit peu plus sur vous, Marie-Lise Léon? Est-ce que c'est ce que vous dites, c'est une torture de le faire, mais est-ce qu'il va falloir y aller? Oui, il faut y aller parce que je pense que c'est une façon aussi de se faire comprendre. C'est aussi une façon de dire, d'expliquer pourquoi je suis venue au syndicalisme, parce que dans mon métier, j'étais engagée sur les questions environnementales, pourquoi je veux qu'aujourd'hui la CFDT soit le syndicat de la transformation écologique au travail. Et justement, cet engagement syndical, il vient d'où? Comment il s'est construit? Et puis, pourquoi la CFDT et pas la CGT, par exemple? Alors, moi, je me suis engagée dans le syndicalisme en commençant à travailler. J'étais responsable sécurité environnement, je tournais dans beaucoup de lieux industriels. Et pourquoi la CFDT? Parce que c'est une question de rencontre. Moi, j'ai rencontré des militants absolument extraordinaires et qui m'ont tout de suite dit que j'étais capable de penser par moi-même. Je suis arrivée à la CFDT après ZF, où il y a eu 31 morts, et j'ai tout de suite travaillé avec des représentants du personnel qui m'ont expliqué que quand il y a un pépin industriel, c'est souvent les salariés les premiers concernés. Alors, je lis que vous êtes fan de semi-marathon et de tricot. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Il y a des trucs très vieux qui sont ressortis. Je cours toujours, je tricote quand voilà, j'ai l'occasion. C'est du yoga de l'esprit. Et j'adore la bande dessinée, notamment des femmes autrices qui font des superbes œuvres. J'ai fait à un moment beaucoup de pâtisserie. Voilà, j'aime bien la pâtisserie. C'est nul. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on vient souvent vous chercher, le côté sage et le côté lisse, entre guillemets ? On m'a souvent, effectivement, alors pas fait de reproches, mais j'aime bien créer la surprise. Et il y a plusieurs situations, notamment dans des négos, où mes interlocuteurs m'ont dit « vous avez pas vu venir », mais voilà. Ça fait partie de ma personnalité, de ma façon d'avancer et d'obtenir ce que je veux. Est-ce que les deux mots « grève » et « reconductible », ça ne fera jamais partie du logiciel de la CFDT ? Est-ce que ce sera toujours deux mots interdits ? Non, ça dépend du contexte, mais parce qu'on peut avoir une grève reconductible à l'échelle d'une entreprise. La question de la grève nationale interprofessionnelle reconductible, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est de l'ordre du fantasme. C'est-à-dire bloquer sur un long moment un pays, c'est pas forcément la meilleure façon d'obtenir ce qu'on veut. L'intersyndicale n'a pas souhaité appeler à cette grève reconductible, et je pense qu'on a bien fait. Vos futurs rapports avec Emmanuel Macron, vous disiez qu'il vous avait pas félicité ? Non, toujours pas de message. J'en ai eu tellement des militants et militantes que franchement, ça me convient très bien. Mais je crois qu'il a quand même été toujours d'usage, quand un responsable syndical arrivait en responsabilité, qu'il y ait à la fois un petit mot du ou de la Première ministre, qu'a fait Elisabeth Borne, et du Président de la République, ce que n'a pas fait Emmanuel Macron. J'ai pas d'explication. Je suppose que très prochainement, il pourra me le dire, parce qu'il prendra contact. Cet été, Maryse Léon s'accorde une quinzaine de jours de vacances, temps de repos familial et sportif, avant de rouvrir les dossiers de la rentrée, les négociations sur les retraites complémentaires, l'emploi des seniors et la reconversion professionnelle. Sandrine et toi, Andeg. Ils ont fait l'actu, en partenariat avec le magazine Society. La météo, c'est avec vous Sébastien Léas. Le soleil va encore gagner du terrain demain. Sur une large moitié sud, jusqu'à la Vendée, au Berry et à la Bourgogne-Franche-Comté, la journée se passera sous un ciel quasiment tout bleu. Plus au nord, le ciel sera plus partagé, mais les éclaircies seront prédominantes en matinée. En revanche, le nord-ouest du pays sera tout de même en marge d'une perturbation peu active. Les nuages vont gagner la Bretagne et la Basse-Normandie demain matin, avant de se propager vers les Hauts-de-France l'après-midi. Malgré ce ciel de plus en plus chargé, le temps restera sec, hormis quelques gouttes anecdotiques. Les éclaircies deviendront aussi un peu moins larges entre les pays de la Loire, le bassin parisien, les Ardennes et la Lorraine demain après-midi. Sous l'impulsion de ce temps ensoleillé, les températures vont encore gagner quelques degrés, retrouvant même des heures restrictives avec 25 à 32 degrés demain après-midi. Plus de temps maximales seront comprises entre 9 et 26 degrés. Sébastien Léas de Météo France, merci pour votre fidélité à France Info. Excellente soirée en notre compagnie, les 22h. France Info, 20h minuit, Aurélien Accard. L'info. Bonsoir Thomas Benech. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. À la une, cette affaire de séquestration présumée en Moselle. Une femme dit avoir été séquestrée, violée, torturée par son mari. Le procureur de Sarreguemines invite à considérer ce dossier avec beaucoup de prudence, précision et explication à suivre dans quelques secondes. Un recadrage express de Matignon, la cible, la nouvelle secrétaire d'État à la ville, Santor, avoir accordé un entretien au journal du dimanche sans prévenir personne. Dans ce journal également, nous nous arrêterons sur la situation au Niger en proie un coup d'État et dont le sort sera évoqué dès jeudi lors d'une réunion de la CDAO au Nigeria. Gérald Darmanin veut lui dissoudre le mouvement catholique intégriste Civitas. On en parle avec le spécialiste de l'extrême droite, Jean-Yves Camus, notre invité à 22h10 dans le 20h minuit de France Info. Garde à vue prolongée pour un Allemand de 55 ans interpellé ce matin à Forbach en Moselle. Ce quinquagénaire est soupçonné d'avoir séquestré, violé, torturé sa femme depuis 2011. Le procureur de Sarreguemines a tenu ce soir une conférence de presse lors de laquelle il a appelé à la plus grande prudence dans ce dossier, d'autant qu'il reste encore de nombreuses zones d'ombre, Simon Cardona. Oui, quand la police française enfonce la porte de l'appartement du couple ce matin vers 6h, il découvre une femme de 53 ans, affaiblie, le crâne rasé, qui semble souffrir de malnutrition et de blessures aux jambes. Devant les enquêteurs, elle répète ce qu'elle a dit au secours allemand la veille du soir, quand elle est appelée pour qu'on vienne la secourir. Elle affirme avoir été séquestrée, torturée et violée par son époux depuis 10 ans. Elle est alors transportée par le secours à l'hôpital de Metz, mais son garde à vue livre alors une toute autre question selon le procureur de Sarreguemines. Il affirme ne pas savoir séquestrer, violer ou violenter sa femme. Au contraire, elle est malade cancer et s'occupe d'elle, se défend-il. Des scanners ont été faits. L'Allemand de 53 ans n'a pas de fracture aux jambes, ce qui contredit les premières constatations policières. Elle n'a pas d'échymose, pas d'écart. La police avait déjà été alertée à propos de cette. En 2019, rien de suspect n'avait alors été relevé. Cardona pour France Info et dans cette affaire, le suspect n'est pas connu de la police française. Les vérifications sont en cours par ce qui en est du côté allemand. Très grosse, voire trop grosse activité en ce moment pour le SAMU de La Rochelle. Les statures depuis plusieurs semaines, notamment depuis que les urgences pédiatriques de Saint-Denis ont fermé jusqu'au 1er septembre. En cas de problème, les patients doivent passer par le SAMU installé à La Rochelle. Le centre est donc débordé en ce moment par les appels. Derrière ces trois écrans, un hydrodrant n'est jamais sous casque téléphonique sans fil. En 10 ans de carrière, c'est la première fois qu'il y a un été aussi chaotique. Aujourd'hui, certainement, j'ai dit qu'il n'y a pas de SMU. Il y a pourtant eu la carte respiratoire. Il a failli envoyer 5 et 30 minutes. Des fois, c'est moins. Docteur Suzon, je suis un des médecins de la réanimation. Il y a des gens qui sont en route. Hein. D'accord, je vais poser quelques questions. Mais si on peut évaluer beaucoup d'éléments de gravité au téléphone, avec le patient qui est en face, on ne peut pas les examiner. Donc, le risque, c'est de sous-évaluer ou de surévaluer la situation. Jusqu'à début septembre, vous pensez que ça se passait comment? Pour les choses pas du tout graves, on réussit à se débrouiller en faisant faire des kilomètres aux gens et avec les conditions médicales. Mais en tout, même si ce n'est pas une tendance exacte, on a tout un remous de patients. Le téléphone peut s'aggraver très vite, enfin, voilà, il y a beaucoup de temps avant une évaluation médicale, c'est effectivement une situation extrêmement grave. On est avec le docteur Suzon, on peut passer plus de 80 appels, surtout dans la matinée. Joséphine Ortuno, France Bleu, La Rochelle pour France Info. Dans l'étape de France, on peut de nouveau se rendre au hameau du Haut-Carnet. L'interdiction qui est élevée, qui est en vigueur depuis près d'un mois. C'est pour ce hameau du Haut-Vernet que le petit Émile a disparu le 8 juillet dernier. Une information judiciaire est toujours ouverte afin d'établir les causes de la disparition de cet enfant. Le ministre de l'Intérieur va demander la dissolution du mouvement politique catholique intégriste à Civitas. Cela après la diffusion de propos antisémites lors d'un rassemblement hier à Pont-Mince et en Mayenne. Et on va en parler dans 5 minutes avec Loïc Camus, spécialiste de l'extrême droite. Il est notre invité ce soir dans le 20h limite de France Info. Pour l'instant, Thomas Béchelet, 5, son interview au journal du dimanche fait des vagues et il vaut même un recadrage à part de l'opinion. Ouais, c'est ce qui est arrivé à la secrétaire d'État à la ville et c'est une information France Info. Sabrina Agresti-Roubache a été la première membre du gouvernement à répondre à l'hebdomadaire le journal du dimanche dans l'action désormais dirigée par Geoffroy. À l'extrême droite, Matignon a été mis devant le fait accompli et ne l'a pas du tout apprécié, Julie Marie Lecomte. Elle n'avait prévenu personne. Non, ni le ministère de l'Intérieur, sous sa tutelle, l'interview était faite trop tard. Donc, il a bien fallu la relire, pas en coulisses, mais soufflante Matignon au communiquant de la nouvelle recrue du gouvernement. Franchement, pas top d'être dans ce premier numéro. Il fallait attendre de voir quelle était la ligne, savoir où étaient les pieds. Son compte Signal Social a envoyé une rédaction de pendant des semaines, qui, à défaut de soutien de la part de l'exécutif, aurait sans doute mérité davantage de contenu. Le cabinet d'Elisabeth Borne veut voir la secrétaire d'État à la rentrée. À la première ministre, elle a dit de ne pas réagir. Indice de ce qu'a été sa réaction. C'est peut-être une erreur de débutant. Ça n'en reste pas moins. Belle connerie, souffle un proche de la chef du gouvernement. Et Sabrina Agresti-Roubache peut préparer pour expliquer comment va fonctionner le collectif. Marie Le Comte, chef du service politique de France Info, guerre en Ukraine avec ses deux missiles russes tirés sur un immeuble résidentiel dans l'est du pays, dans la ville de Pokrovsk. On compte au moins 5 morts et 31 blessés, 19 officiers. Le président russe lui rend un ultime hommage à Hélène Carrère-Pokrovsk. Il estime que son héritage intellectuel et spirituel servira à renforcer la compréhension mutuelle entre nos peuples. Hélène Carrère-Pokrovsk est morte samedi à l'âge de 94 ans. C'était une spécialiste de la Russie. On apprend par ailleurs aujourd'hui qu'un hommage national sera rendu à l'historienne avant la fin de l'été aux Invalides. Annonce faite ce lundi par l'Élysée. Y aura-t-il une intervention militaire au Niger? Ce serait une catastrophe de savoir le Mali qui soutient le Niger depuis que des putschistes ont pris le pouvoir en lieu et place du président Mohamed Bazoum, des faits survenus le 26 juillet dernier. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest, le CDAO, réclamait jusqu'à hier soir de rétablir l'ordre constitutionnel sans exclure de recourir à une intervention militaire. Cet ultimatum a expiré hier soir, sans réaction pour l'instant de la CDAO. Il faut dire qu'un éventuel recours aux armes ne serait pas sans plus des Virginie Pierronon. Une potentielle intervention loin de faire l'unanimité. Au Nigeria, par exemple, pour très lourde de la TDAO avec ses 215 millions d'habitants et qui préside l'organisation cette année, les sénateurs appellent le président à renforcer l'option politique et diplomatique. De leur côté, le Mali et le Burkina Faso excluent, eux, de l'organisation après des coups d'État et si toute intervention serait une déclaration de guerre. Face à ces difficultés, c'est le cadre légal d'une intervention militaire. Et là, ce n'est pas clairement défini. En matière de maintien de la paix, tout passe normalement par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, dans le cas du Niger, la Russie, tout comme la Chine, est prise sans aucun doute leur droit de veto. La CDAO pourrait agir sous son propre mandat. C'est déjà arrivé au risque que son action soit considérée comme illégale. Selon une source proche de l'organisation, citée par l'AFP, une intervention militaire immédiate n'est de toute façon pas envisagée pour l'instant. Un sommet des dirigeants des pays membres de la CDAO doit avoir lieu jeudi à Abuja, la capitale du Nigeria. Virginie Pironon, attachée internationale de France, et ce soir dans ce dossier du Niger, il est encore possible de mettre fin au coup d'État par l'intermédiaire de la diplomatie. Le sport à présent, les championnats du monde cyclisme à Glasgow en Écosse avec une médaille de bronze ce soir pour la France dans l'américaine Fanny Lechevestrier. Oui, mais une médaille avec la grimace pour les Françaises Clara Copponi et Victoire Berthaud qui envisageaient, eh bien, pourquoi pas, l'or mondial. Ce soir, c'est manqué sur la Madison. Les Françaises ont été largement dominées. Elles se sont arrachées pour aller décrocher in extremis cette médaille de bronze. C'est la Grande-Bretagne qui s'impose ici au Vélodrome de Glasgow. Journée mauvaise, on va dire, pour l'équipe de France de cyclisme, hein, toutes disciplines confondues, puisqu'on attendait également un titre de champion du monde, pourquoi pas au BMX Freestyle pour Anthony Jean-Jean, et victime de deux chutes, eh bien, il finit quasiment dernier de la finale de ces mondiaux. Fanny Lechevestrier en direct de Glasgow pour France Info avec Coppola et Scorsese. Il fait partie de ces réalisateurs qui se sont affranchis des codes d'Hollywood. On a appris aujourd'hui la mort de William Friedkin à l'âge de 87 ans avec son film French Connection en 1971. Il avait reçu l'Oscar du meilleur réalisateur. On lui doit également le culte sorti deux ans plus tard en 1973. Merci Thomas Ménage, vous revenez avec nous dans un instant. France Info. Écoute de France Info. Gérald Darmanin condamne des propos ignominieux et dénonce l'antisémitisme d'un invité de l'université d'été du mouvement catholique Civitas. Il dénonce vouloir dissoudre ce mouvement intégriste. On parle dans un instant avec Jean-Yves Kimu, spécialiste de l'extrême droite. Il est notre invité dans une minute, 22h10 d'abord. Le retour de Thomas Bech pour l'essentiel, le final. Au moins 5 morts, 31 blessés, c'est le bilan de ces tirs de deux missiles russes sur un immeuble résidentiel de la ville de Pokrovsk. Les secours sont mobilisés avant la guerre. Cette ville comptait 60 000 habitants. Selon les premiers éléments d'enquête, la plaignante ne présente aucune fracture, ni équipement évident, ni escarre, précise sur le procureur de la République de Sarreguemines. Décision portant qu'une femme accuse son mari de l'avoir séquestré, torturé et violé depuis 2011. Le mari de la plaignante a été arrêté ce matin à Fourbat, dans l'hôtel. Il est en garde à vue. À Bordeaux, un des 5 ouvriers blessés dans le port à Bassins s'est mort. 4 de ses collègues également touchés sont toujours dans un état grave. Ils se trouvaient en à bord d'une nacelle quand ils ont fait une dizaine de rapports de France Bleu Gironde. Le mouvement politique catholique intégriste Civitas va être dissous. C'est ce que compte en tout cas demander le ministre de l'Intérieur. Cela la diffusion de propos antisémites lors d'un rassemblement et par rapport main en main. L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays. Réagit Gérald Darmanin. Le réalisateur américain Friedkin est mort, on lui doit le film French Connection ou bien encore le cultissime L'Exorciste. Enfin, la Ligue de football, dernier match de la première journée de la saison. Le FC reçoit les Girondins de Bordeaux. Ce sont les Palois qui mènent 2-0. Le mouvement intégriste Civitas dans le viseur du gouvernement pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.